Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bienvenue, petits camarades à l'écoute de la vie, et merci de rester fidèles à votre émission préférée, Méditons ensemble. Émission coproduite par la Ligue pour la lecture de la Bible et la radio Fréquence Vie. Je suis sûre que je vous ai manqué, vous également, vous m'avez manqué grand comme ça. Et tous ceux qui n'ont pas entendu mes vœux de l'année, je vous souhaite une très bonne année 2020 et n'oubliez surtout pas le défi à relever pour cette année, c'est chaque jour dans la présence du Seigneur, tous les jours dans la méditation de la parole de Dieu. Et chaque mercredi, il faudrait que tu aies ton lecteur devant la radio pour écouter Méditons ensemble avec les tout-petits. Et pour aujourd'hui, nous méditons avec l'école du dimanche de l'église Ufagi Fridi et ils sont accompagnés par leur moniteur dont tout à l'heure nous allons connaître nos invités. Sachez que notre émission est mise en onde par nos tontons, tonton Emmanuel Yao et tonton Edouard. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de nos invités et nous commençons par l'enfant juste devant moi. Je me nomme Jamado et Iram Grasse. Je viens de l'école de dimanche de Ufagi Fridi. J'ai 14 ans et je fais la 4e. D'accord, oui. Je me nomme Gay Aaron Otniel. Je viens de l'église Ufagi Fridi Cité. J'ai 16 ans, je suis en classe de terminale. Je me nomme Couteau Joseph, je suis de l'église Ufagi Gonzague. J'ai 11 ans, je suis en classe de 6e. D'accord, alors soyez les bienvenus dans notre studio. Et également, nous présentons leur moniteur, Moni Isaïe, qui a accepté notre invitation. Et nous lui disons grand merci. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Et nous prions avec Joseph. Oh, Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te confions, Seigneur, ce qu'on va commencer. Permets que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne nous protéger. Que ton Esprit Saint vienne prendre contrôle de ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur. Parle à notre place, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Joseph pour la prière. Nous allons dès à présent débuter notre méditation. Et petit camarade à l'écoute, j'espère que tu as ton lecteur. Et si tu l'as, je t'invite à prendre ton lecteur au jour de mercredi 19 février. Et nous lisons Jean le chapitre 5, versets 27 à 29. Et ce matin, nous lisons avec grâce. Je lis la parole de Dieu dans Jean 5, le verset 27 au verset 29. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Merci, Grâce, pour cette très belle lecture. Nous allons dès à présent chercher à mieux comprendre notre test et notre méditation se déroulera en trois parties. Nous allons tout d'abord passer par l'observation du test et après l'observation, nous allons l'interpréter et finir par l'application. Donc, pour ce qui est de l'observation, qui est-ce qui nous parle déjà dans notre test? C'est-à-dire, qui est en train de parler actuellement? Oui, Joseph. C'est Jésus qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler et qui est l'auteur de notre livre. Oui, Aaron. C'est Jean. c'est Jean qui écrit ce livre. Et Joseph a dit tout à l'heure que c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus parle à qui? Oui, Aaron. Jésus parle aux Juifs. Jésus parle aux Juifs. Et qu'est-ce que Jésus dit aux Juifs? Oui, Grâce. Jésus dit aux Juifs qu'il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et il a reçu ce pouvoir-là de qui? Oui, Joseph. De Dieu. Il a reçu le pouvoir de juger de Dieu. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus donne toutes ces explications, raconte tout cela aux Juifs et également nous parle aujourd'hui? Oui, Aaron. Ce qui s'est passé, c'est que c'était à une fête où Jésus a guéri un malade qui était malade depuis 38 ans. Et les Juifs se plaignaient. Pourquoi Jésus l'avait guéri? Parce que c'était le jour du sabbat. Et le jour du sabbat est réservé seulement à Dieu. À on Dieu. Ne devait rien faire, ouais, en nous fait. Nous ne devons rien faire pendant le jour du sabbat. Et les Juifs se plaignaient. C'est pour cela que Jésus leur a dit que c'est lui seul qui peut juger. Donc par la suite, au fait, il y a eu des échanges après la guérison du paralytique. Pendant le sabbat, il y a eu des échanges entre Jésus et les Juifs. Jésus également avec les chefs de la synagogue et autres. Et par la suite, Jésus ici a commencé à leur faire comprendre que lui, il a reçu le pouvoir de Dieu de juger. Et aussi, en plus de cela, il a reçu le pouvoir sur la mort. Il a reçu le pouvoir sur la vie. Et qu'il arrivera une heure où tous ceux qui sont morts, qui sont couchés dans les sépulcres, entendront sa voix et reviendront à la vie. Et ceux qui auront fait de bonnes choses bénéficieront de la vie. Et ceux qui auront fait de mauvaises choses iront pour le jugement. Maintenant, pour mieux comprendre notre test, c'est quoi un sépulcre? Oui, Aaron. Un sépulcre, c'est un tombeau. Donc, c'est une tombe, n'est-ce pas? Oui. C'est là qu'on enterre ceux qui sont déjà morts. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que vous comprenez ces différents versets que nous venons de lire? Donc, on va passer à l'interprétation. Vous prenez chaque élément de verset, vous lisez le verset, vous dites comment est-ce que vous le comprenez? Oui, Joseph? Le verset 27. Le verset 27, oui. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Comment toi tu comprends ce verset? Je comprends ce verset en tant que Dieu a donné le pouvoir à Jésus de juger. Personne sur la terre peut juger. Donc personne sur la terre ne peut juger, personne dans le ciel ne peut juger. Donc Dieu a donné tout le pouvoir à Jésus de juger. D'accord, il n'y a pas de souci. Autre interprétation? Oui, Grâce. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ici, le texte nous dit que de ne pas être étonné. Quand ceux qui auront fait le bien sur la terre, quand ils vont mourir, quand ils vont entendre la voix de Dieu, ils seront ressuscités pour le bien. Donc, c'est-à-dire que si en ce jour-là, nous autres nous ne sommes pas morts et que nous sommes vivants et que nous voyons que ceux qui sont morts, ceux qui sont déjà morts sont ressuscités, il ne faudrait pas qu'on soit étonnés parce qu'il arrivera ce jour-là où la voix de Jésus sera entendue dans la tombe et ceux qui sont morts se lèveront, n'est-ce pas? Ils vont sortir de leur tombe. Tout le monde, que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois méchant, que tu sois blanc, quelle que soit ta nature, à cet instant-là, tout le monde sortira de la tombe. Et ce sera pourquoi, selon Platon, pourquoi? Oui. Pour le jugement. Pour le jugement pour certains et pour la vie pour d'autres, n'est-ce pas? D'accord. Oui, autre interprétation. Oui, Aaron. Au verset 29. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. D'accord. Je comprends par là que tous ceux qui commettront de bonnes actes ressusciteront avec le Seigneur, c'est-à-dire hériteront le royaume des cieux. Mais ceux qui commettront de mauvaises actes seront jugés. Ils seront jugés. Ceux qui vont commettre de bons actes auront la vie et ceux qui n'auront pas fait de bonnes choses seront jugés. Maintenant, comment est-ce que vous comprenez ici quand Jésus parle de bonnes choses, mauvaises choses? Qui peut donner un exemple? Oui, Joseph. Je donne l'exemple d'une bonne chose. C'est comme respecter nos parents et obéir à tout ce qu'ils nous disent. Donc, par exemple, si aujourd'hui tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu es gentil, tu fais toutes choses bonnes, que tu meurs et que ce jour-là vient, tu entendras la voix du Seigneur, tu te lèveras pour la vie, c'est ça? Oui. Qui est d'accord? Aaron est d'accord, Joseph est d'accord. Oui, Grâce, toi, tu n'es pas d'accord, pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce que d'abord, il faut accepter le Seigneur. Oui, parce qu'il faut accepter le Seigneur. Il ne suffit pas d'être bon. C'est vrai que être bon, c'est bon. C'est-à-dire faire de bonnes choses, c'est bon. Mais si tu fais ces bonnes choses que tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas Jésus, c'est cadeau. Tu auras fait ça cadeau. Donc, il faut d'abord accepter le Seigneur. Mais on accepte le Seigneur comment? Oui, Aaron. Reconnaître Jésus comme son sauveur personnel. Reconnaître Jésus comme son sauveur personnel, oui. Joseph, tu veux ajouter? Méditer la Bible. Méditer la Bible, ça fait partie de bonnes choses. C'est-à-dire, quand on fait la première étape, ça fait partie des bonnes choses. Mais elle dit, il faut accepter le Seigneur. Mais peut-être un autre ami à l'écoute qui veut accepter le Seigneur, mais il se demande, comment on accepte le Seigneur? Oui, grâce. On peut accepter le Seigneur en reconnaissant que c'est lui qui s'est donné à la croix pour nous sauver. Donc, on reconnaît dans notre cœur, on reconnaît que Jésus s'est donné à la croix. Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et aussi dans notre verset, on nous avait dit que il est le Fils de l'homme. Donc, il est le Fils de Dieu. Donc, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne faut pas douter dans ton cœur. Tu crois que Jésus est l'unique et le seul Fils de Dieu. Et c'est par Jésus qu'on obtient la vie. Et quand c'est comme ça, forcer. Est-ce que quelqu'un peut accepter Jésus pour faire de mauvaises choses? Non. C'est pas possible, non. Donc, si tu acceptes Jésus, Jésus va te permettre de faire les bonnes choses. Te permet de faire les bonnes choses parce que Jésus, tout ce qui est bon, c'est pour lui. Tu peux accepter Jésus puis tu as fait de mauvaises choses. Tu peux pas dire tu as accepté Jésus et puis tu vas mentir, tu vas voler, tu vas insulter, tu fais palabre, en tout cas, tu fais tout ce qui n'est pas bon. Ça, si tu fais ça, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Parce que quand papa Jésus est dans ton cœur, le Saint-Esprit t'emmène à faire de très bonnes choses, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Oui, on continue. Autre interprétation. Donc, on va relire le verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, jugement là, selon vous, c'est quoi? Qui a déjà assisté à un jugement? On assiste toujours à un jugement, même à la maison. Maman fait les jugements. Par exemple, Joseph peut faire des histoires avec Aaron. Et puis, on appelle, n'est-ce pas? Et puis, quand on appelle, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Aaron? On essaie de clarifier les choses. En quoi faisant? Oui, grâce. En posant des questions. En posant des questions. Donc, c'est un compte. On rend. Donc, si tu n'as pas fait de bonnes choses, tu n'as pas accepté Jésus, tu vas le rendre compte. Parce que tu seras, il va te demander pourquoi tu as fait ça. Il va te dire, Joseph, moi, je t'ai aimé jusqu'à... Et puis, je me suis donné à la croix pour toi. Je suis mort à la croix pour toi. Mais toi, tu n'as même pas fait tout ce que je te demandais de faire. Tu faisais ce que tu voulais. Pourquoi tu as fait? Maintenant, tu vas donner ton explication forcée. Tu n'auras pas raison. Parce que Jésus aura toujours raison sur toi. Donc, tu vas finir pour aller... Je le monsieur, moi, je ne vais pas dire son nom. Je dis même pas son nom pour lui faire plaisir. Donc, tu vas te retrouver là-bas. Donc, ce matin, ce qu'on nous demande de faire pour pouvoir hériter, là, si jamais en ce jour-là, nous sommes morts et qu'on entend la voix du Seigneur, quand on se lève, on va où? Au paradis. Ah, on va pour la vie. Et où il y a la vie, il y a la joie, n'est-ce pas? Oui. Où il y a la vie, il y a la joie. On ne fait pas de mauvaises choses là-bas. Oui. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, dis amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, dis amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis amen. Amen. C'est mercredi, les enfants, et à chacun son lecteur cadeau. Et j'espère que vous avez également votre lecteur cadeau, que vous suivez la méditation avec nous. Et si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que vous écoutez méditation ensemble avec les tout-petits et c'est la monitrice Ange Adjé accompagnée de l'école du dimanche de l'église évangélique Ufagi de Vridi et ce matin nous méditons avec Joseph, Aaron, Grâce et ils sont accompagnés par leur moniteur Esaïe. Donc nous sommes très heureux de passer ce merveilleux temps de méditation en leur compagnie et notre texte c'est Jean le chapitre 5 verset 27 à 29 et la mise en onde est assurée par tonton Emmanuel Yao et tonton Edouard. Donc, nous avons fini avec l'observation. Nous avons également fini avec l'interprétation et nous passons dès à présent à l'application. Bon, c'est pour ce que nous avons eu à dire tout à l'heure. On a dit que Jésus était en train d'échanger avec les Juifs sur sa mission. Donc, Jésus a eu accompli un miracle. Et par la suite, là, il commençait à avoir des jugements parce que c'était le jour de sabbat. Et Jésus faisait comprendre aux Juifs que lui, il a reçu le pouvoir de son Père Dieu pour pouvoir juger. Donc, il a reçu le pouvoir sur le jugement. Et en plus de cela, il arrivera un jour où les morts, ceux qui sont morts, qui sont dans les tombes, entendront sa voix et ces personnes-là reviendront à la vie. Et Joseph nous a dit, pour pouvoir revenir à la vie, pour ne pas aller au jugement, il faut faire des bonnes choses, passant par l'acceptation de Jésus. Donc, accepter Jésus dans son cœur. Et quand on accepte Jésus dans son cœur, on fait de bonnes choses. Et quand on fait de bonnes choses, on va ressusciter avec Jésus pour la vie. Dites-moi, après tout ce qu'on a eu à dire, on a lu tout ça, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui sur Jésus? Est-ce qu'il y a un enseignement sur Jésus? Oui, Aaron? Nous apprenons que Jésus est le fils de l'homme. On apprend que Jésus est le fils de l'homme. Quel homme? Parce que nous sommes des hommes, hein? Oui, Joseph? De Dieu. Oui, on apprend que Jésus est le fils de Dieu. D'accord, oui. Autre enseignement. Oui, Grâce, qu'est-ce que toi tu apprends? J'apprends que Jésus a reçu le pouvoir de juger. Mm-hmm. Tu apprends que Jésus a reçu le pouvoir de Dieu pour juger. D'accord. Autre élément, oui, Aaron. On apprend que Jésus ressuscite des morts. Est-ce que si Jésus a ressuscité les morts, on apprend plutôt qu'il arrivera un moment où la voix de Jésus va se faire entendre par les morts. Oui, et ils sortiront du tombeau. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il y a une promesse ici à laquelle nous devons croire? Oui, Grâce. Oui, il y a une promesse au verset 28. Le verset 28, oui, le verset 28 nous dit quoi? Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. C'est plutôt un avertissement ou bien une promesse? Un avertissement. Un avertissement. Donc là, Jésus entre nous fait comprendre, faut pas le jour où vous serez vivant, vous allez voir que tous ceux qui sont morts là vont se lever dans la tombe. Ne vous étonnez pas du tout de cela. Parce que l'heure vient où tous ceux-là même qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, la voix de Jésus, et ils vont sortir de la tombe. Ça, c'est un avertissement. Jésus nous avertit de ne pas être étonnés. L'avertissement, il le donnait pour les Juifs également. Aujourd'hui, c'est d'actualité pour nous, n'est-ce pas? Mais nous allons passer à la promesse. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus a dit dans le test? Oui, Joseph? Dans le verset 29. Oui, quelle est la promesse à laquelle tu crois? Je crois qu'en faisant le bien, je vais ressusciter pour la vie. Oui, en faisant le bien, tu vas ressusciter pour la vie. Oui. Dans le cas contraire, tu seras jugé. Oui, dans le cas contraire, tu seras jugé, donc tu seras puni. Donc, pour ne pas être parmi ceux qui seront jugés, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, Joseph. Nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien, oui, Grâce. Nous devons accepter Jésus. Nous devons accepter Jésus. Donc, faire le bien, c'est faire le bien partout, hein. Faire le bien avec maman, avec tout le monde, dans notre cœur aussi, parce que il suffit pas d'être bon, et puis dans notre cœur, on n'est pas bon. C'est dans notre cœur, on pense à des vilaines choses. Non, c'est pas ça. Donc, il faut faire le bien. Il faut rendre Papa Jésus content. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous retenez en ce matin? On va commencer par Joseph. Je retiens que Jésus a eu le pouvoir de juger et je ne dois pas juger quelqu'un. D'accord. Donc, toi, tu retiens ce matin que toi, tu ne dois pas juger les gens. Donc, si tu vois quelqu'un, tu dis, tu vas prier pour la personne, mais tu ne vas pas juger parce que la seule personne qui a reçu l'autorité, le pouvoir de juger, c'est Jésus. D'accord. Ça, c'est ce que toi, tu retiens. Oui, Grâce. Et toi? Je retiens que autour de moi, je dois faire le bien et ne pas faire le bien seulement à ceux que j'aime, mais à tous ceux que je connais et ne pas trier parmi mes amis. D'accord. Parce que faire le bien, ça va te garantir aussi la vie, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus te demande surtout, de faire le bien. Oui. D'accord, oui. Je retiens que nous ne devons pas juger, mais plutôt faire le bien. Parce que le jugement appartient à Jésus. D'accord. Car Dieu a donné le pouvoir à Jésus de pouvoir juger. D'accord. Alors, petit camarade à l'écoute, ce matin, retenons que bientôt les morts seront jugés. Et ils seront jugés par Jésus parce que c'est lui seul qui a reçu le pouvoir de le faire. Mais seuls les bons vivront pour toujours et les méchants seront punis. Alors si tu ne veux pas être parmi ceux-là même qui seront jugés et punis, tu dois être bon. Tu dois accepter Papa Jésus dans ton cœur et t'éloigner surtout du péché. Donc éviter la tricherie, éviter de te bagarrer, éviter la désobéissance, tout ce qui est mauvais, la méchanceté, et t'attacher au Seigneur Jésus. Donc ce matin, moi je t'invite à prier et demander à Jésus, Papa Jésus, aide-moi parce que je veux être parmi les bons pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Et nous avons été très très heureux de partager ces pensées avec toi ce matin. D'ici là, je te souhaite de passer un très bon mercredi dans la présence de Jésus, surtout à l'écoute de ta radio. Et nous te donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro de Méditons Ensemble avec un autre test. Que le Seigneur te bénisse et à mercredi prochain. Bravo, bravo! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe, aïe, c'est super!